j'estime à qu'être sous jour de l'autre. Yonde kokili kamwango, ba misusu. Osa nanga esika yokenda, mokolo yokende ki. Na makambo mingi na motema, mokolo yokende ki. Ngaya wana tikali, susi susi susi na nzoto. Ekanga minga kole na nzoto nanga. Kai mwete na bimisa na biso ya noki noki te basekanga. Jive buka banza mama itse mwasi na linga ye mama itse. Ngai moko mobali na yo, yo kipaka na yo ngai te mama itse. Roger Kaloka, Pascal Wakushila. Oh, Maître Henri, patineur. Ma belle au saline à l'eau. Et tu calies le bon amour de ma. Talangaya wana comme il au cola, mon doigt à bénéficier. Lui qui est là, à l'école. Ma belle au saline à l'eau. Et tu calies le bon amour de ma. Talangaya wana comme il au cola, mon doigt à bénéficier. Maman X, je faisais tout pour faire coïncider mes désirs à tes besoins. Dommage, tu manquais de générosité du cœur. N'est-ce pas, Patrick Visquez, j'en veux le cas d'un mot. Yo te qui n'a zéboué, maman. Yo ke yo la qui n'a te au salimate. Toulingana qui m'y n'existe ou. Nana yo, oh. Maman X, oh. Ni Germano. Mama Issa, Mouchet Duvile. Bozik Basakila, Ya Brigitte, Willy Mwamba. Yo te kinga sebo e mama. Yo ke yo la kinga te yo salimabe. Kulinga na kimi nipise o. Mama yo ho. Mama Issa, Propose. Mama Issa, à Senga Jean-René Paul Oukinou. Oh, Chilo le grand. Pata Pama, j'y sais pour là-haut. Oh, oh, oh. Chouchou de Londres. Pata Pama, Samino Massie. Oh, oh, oh. Yagi, oh. Chouchou de Londres. Pata Pama, Tosi Nyakana, Nayo Jessie. Yondi makina nyokwa mana kokonote. Eh eh eh, oh yeah yeah yeah. Na kokonote po na yo chamie. Kende kende na yo Ixa Jessie. Nazali mabali ya kotulate koyebi. Kende kende na yo Ixa. Nazali mabali ya kotulate koyebi. Barbara, ouais, la joie et les manènes. Papa na kuchezana, chezana, chezana. Rata bobema. Papa na kuchezana, chezana, chezana. Tuku na regata mingi juu yako mama isengo. Maneno ni yangu, ni yangu, ni yangu. Maneno ni yangu, ni yangu, ni yangu. Mwanaume kama ya kufa, usinichoke yeye. Kende kende na yo. Nazali mobali ya kotulate koyebi. Kende kende na yo kende na yo. Nazali mobali ya kotulate koyebi. Belle kotuye otamiele dazani. Nasanga kito ya kotiki sanga na liwango. Kende kende na yo kende na yo. Nazali mobali ya kotulate koyebi. Pense que je suis hey, ma chouchou de l'ombre. Souci à mini la mitra de voilà comme à l'icône de l'étape. Kende kende na yo X. Nazali mobali ya kotulate koyebi. Kende kende na yo X. Nazali mobali ya kotulate koyebi. Bruno qui te mono. Dagabimaka, Dagabimaka, Sina Piana Pekista. pasi